Ok, vous êtes chaud ou quoi? Qu'est-ce qu'on risque? À part des ennemis, au pire qu'ils nous prennent pour des terroristes. Travail au rythme de la chute d'un météorite, les vers c'est triste, les théories. Qu'est-ce qu'on risque? À part des ennemis, au pire qu'ils nous prennent pour des terroristes. Travail au rythme de la chute d'un météorite, les vers c'est triste, aussi leur théorie. J'aime quand faut prendre des risques, mais là y'en a peu. Ou peut-être que je les vois pas, souvent dans la peuf. À rouler des spliffs, écrire des speeches, c'est je me répète. Mes journées des clones, les fesses y reflètent en fait. Chaque jour les mêmes têtes, et les mêmes occupations. On roule les mêmes bêtes, et les mêmes faux cupassons. Je saurais faire sans eux, ou comment faire une omelette sans eux. Sur le fardeau ça sent l'essence. Qu'est-ce qu'on risque, à part des ragots, des rumeurs sur l'esquisse. Le seul magot qu'ils maîtrisent quand ils méprisent. Triste, ma vie se fait discrète, plus rien à perdre sauf une putain de clique. Mais bien trop distraite, et ma putain de zik. Il faut que tu me distraites. Qu'est-ce qu'on risque, ici qui sait qu'on terrorise. Vas-y jette mon disque car jusqu'à hier j'en avais même pas. Maintenant c'est bon et ma foi je sais que certains l'aiment pas. À part ça qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? À part des ennemis au pire qui nous prennent pour des terroristes. Travail au rythme de la chute d'un météorite. Les vers c'est triste, les théories. Qu'est-ce qu'on risque? À part des ennemis au pire qui nous prennent pour des terroristes. Travail au rythme de la chute d'un météorite. Les vers c'est triste, bougie leur théorie. Qu'est-ce qu'on risque? Un tas de baratins, marre d'attendre. La perfection trop dure à atteindre. Il débutant, en 23 ans j'ai durci. Débutant, mon rap 1800. Plus de fin dans mes sur 600. Fuite sur 10 ans, pas sur des autres. Plus sur nos zones, même la couche d'ozone. Pas de vos autres, pas des vôtres méchants. Finir en légende, suis pas les gens méchants. Qu'est-ce qu'on risque? Quand la vie on l'improvise. Trop de choses nocives, je rêve de grossir, je négocie. Mais faut trouver des grossistes, du cash en gros. Mes rêves bloqués dans la consigne, cœur de pas penser aux autres. Qu'est-ce qu'on risque? À part des ennemis, au pire qu'ils nous prennent pour des terroristes. Travail au rythme de la chute d'un météorite, les vers c'est triste, les théories. Qu'est-ce qu'on risque? À part des ennemis, au pire qu'ils nous prennent pour des terroristes. Travail au rythme de la chute d'un météorite. Les vers c'est triste, bougie leur théorie. Qu'est-ce qu'on risque? Votre arrogance, par notre présence. L'être quelques disques. Les censures, vu l'ignorance. Être condamné à l'errance, d'être aux critiques. Pourtant, ce vécu c'est nos vies. On dit la vérité, même s'ils nous comprennent pas. Et qui disent on n'aime pas. Il reste qu'un peu d'espoir. Quelques jours, plus quelques soirs. Le risque de devoir vous décevoir. Raffiler à vos clics, ni à vos bandes. On n'a qu'un crew, trop peu de légendes. Rapper on le fait aussi pour les gens. Ceux qui nous kiffent et puis les autres. Plus rien n'est dangereux. Elle sait. L'esquisse, plus rien à perdre. Y'a tant d'enjeux. Qu'est-ce qu'on risque? À part des ennemis, au pire qu'ils nous prennent pour des terroristes. Travail au rythme de la chute d'un météorite. Les vers c'est triste, les théories. Qu'est-ce qu'on risque? À part des ennemis, au pire qu'ils nous prennent pour des terroristes. Travail au rythme de la chute d'un météorite. Les vers c'est triste, bougie leur théorie. Through your head and pull the trigger. I go first. Good luck. Now you go. Here is the pistol.